Mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité d'être ici aujourd'hui et de parler d'un des plus splendides châteaux du Danemark, la résidence royale de Fredensborg au Zeeland. Si vous demandez d'excuser mon mauvais français, j'espère quand même que vous me comprendrez. Fredensborg a été bâti après la fin de la Grande Guerre nordique de 1709 à 1720 et son nom signifie le Château de la Paix. Il a été construit pour le roi danois Frédéric IV qu'il aimait beaucoup. Comme architecte, Frédéric IV avait Johan Cornelius Krieger og Krigsherre, il a dessiné le château avec un corps de logis presque carré et un aile octogonale pour le domestique. Aujourd'hui, le corps de logis de Fredensborg est relevé et équipé de quatre hautes cheminées et il a été agrandi avec des ailes à l'est et à l'ouest et aussi un bâtiment transversal. L'aile octogonale est relevée et le pavillon d'entrée a été ajouté. Mais nous connaissons dans tous les détails la disposition originelle. Relatif au château originel, il ne ressemble pas à d'autres bâtiments de l'architecte Krigsherre. Mais évidemment, le roi désirait d'une maison de plaisance et il a probablement donné aussi des directives pour sa forme. Aux environs de sa mort en 1730, l'historien danois Andreas Auger a, en tout cas, écrit dans sa biographie que Fredensborg avait été dessiné par le roi lui-même. La question est, d'où avait-il pris son inspiration? Les sources pour cela sont peu nombreuses. Deux historiens d'art danois, Christian Elling et Jan Steenberg, ont aux environs de 1960 émis l'opinion. Elling cita l'ambassadeur français au Danemark, Monsieur Camille, at I, Frédéric IV, avait dit en 1727 que l'environnement af Fredensborg rang des principes de reproduire Marie-Leroy. Avec cet exemple, Elling considérait Marie le modèle primaire du roi et a ajouté que Frédéric IV a trouvé en Italie un grand nombre de villas exceptionnelles qu'il gardait en réserve. Steenberg et cet avis que les villas italiennes étaient l'inspiration primaire et Marie en source secondaire. Un troisième historien d'art, Agon Lund, a mentionné à la même période le château Navarre, près de Vreux, bâti par Jules Adrien Mansart à 1702 comme un modèle primaire pour Fredensborg. Il ne trouve vraiment pas de ressemblance entre Fredensborg et Marie et entre Fredensborg et les villas italiennes. Nous pouvons voir des exemples que l'historien d'art danois a mentionné. Rapidement i Sankte Marie, c'est Villa Rotunda, et Wistenbos, la E, Villa Albergati, Frédéric IV avait donné de Sankte Celti, Villa dello Quattro Tori, Villa Malia, Villa Molin et Villa Malcontenta et enfin Château Navarre. Et peut-être qu'il faut considérer les relations entre la France et la Danemark et essayer de suivre les pensées de Frédéric IV. L'absolutisme a été institué au Danemark en 1660 avec une royauté héréditaire. Et voilà une liste des rois. Quatre Décès Roi en Prisoigne de Fredensborg de la Construction af L'Engrisagement. En 1720 le Danmark n'était pas aussi petit qu'aujourd'hui. Le Danmark et la Norvège formaient une monarchie double et en fait, ils avaient une flotte maritime qui était prise en considération. Mais puisque la plus grande partie de ce pays avait une population très peu dense, le roi danois ne régnait en fait que sur 2 ou 3 millions de personnes en tout. L'historien d'architecture nous ont traditionnellement montré que le bâtiment danois à la fin du XVIIe siècle était en général construit dans un style de paladianisme hollandais. Les exemples les plus illustratifs sont Charlottenborg à Copenhague, qui a été bâti par les demi-frères du roi. C'est aussi le palais du héros naval Niels Juel. C'est l'actuelle ambassade de France au Danemark, mais il a été rebâti. Mais en même temps, on a en général adopté la disposition française pour les jardins avec un long, grand axe long et symétrique. Dès le début de l'absolutisme, le prince héritier a été envoyé en voyage de formation. Le premier, Christian, à Londres et à Paris, où il restait tout l'hiver 1662 à 63. Quelques années après son retour, sa mère a fait bâtir un château nommé Sophie Amalienborg. Il a été construit par des artisans français, et il y avait un jardin qui imitait le jardin de Chantilly fait par André Le Nôtre. Mais en 1689, il a brûlé. Et après cela, Christian, maintenant couronné Christian V, a fait venir l'architecte suédois Nicolaus Tessin pour dessiner un nouveau château royal à Copenhague. Comme un projet du Danois, nommé Lambert van Haven, le projet de Tessin n'avait pas été accepté. Le fils de Christian V, Frederik IV, aimait l'architecture et il connaissait personnellement l'art italien et français. Son voyage de formation l'a mené en Italie et en France. En janvier 1693, il est arrivé à Paris où il est resté un mois. 16 ans après, il a fait une autre voyage, cette fois seulement en Italie. En 1699, Frederik IV devenait roi et il a tout de suite fait bâtir un château de Plaisance hors de sa ville de résidence, le château de Frederiksberg. Selon l'opinion la plus répandue au Danemark, ce château ressemble à une grande villa italienne, mais son jardin est à la française. Sous le règne de Christian V et après de Frederik IV, il y a eu au Danemark un certain nombre d'artistes français. Parmi ceux-ci, le peintre Jacob Degas, qui, entre autres, a fait le portrait de Christian V, le sculpteur Abraham César Lamoureux, qui a modelé la statue équestre du roi du même roi, et enfin le peintre Benoît Le Coffre, qui a fait le portrait de Christian IV, le Frederik IV. Le roi du Danemark a employé ses hommes, mais il ne semble pas qu'il ait délibérément appelé des artistes d'une nationalité ou autre. Telle était la situation quand Frederik IV a décidé de se faire bâtir une maison de plaisance 10 km plus au nord-est de sa résidence secondaire préférée. C'est Copenhague et Frederiksborg et Le Futur Fredensborg i Kronborg, så pour comparer. Så residence secondaire préféré, Le Château de Frederiksborg af Hillerød. Ce château avait été bâti au début du 17e siècle. Pour construire Fredensborg, Frederik Quatre fait démolir un petit château près de Frederiksborg, bâti aux environs de 1580 et nommé l'Épicule. Et les matériaux sont réutilisés dans le bois au bord d'un grand lac, le lac d'Esrum. Là, il y avait un haras royal, mais le lieu était parfait pour un château comme Mali, avec une interaction fructueuse entre la forêt naturelle et les jardins cultivés. On connaît un dessin initial de la nouvelle maison où la coupole est moins élevée et sans la lanterne, mais avec une grande statue de la paix au sommet, ici. Les fenêtres sont plus décorées et il y a un fronton avec un monogramme inversé du roi. Mais le compartimentage du château est le même qu'aujourd'hui. De même, le coordonneur octogonal avec les étables et les chambres de domestique. Cette forme de cour octogonale est très unique. L'historien en chef de Fredensborg, Jan Steenberg, a écrit qu'il avait été impossible de trouver un seul autre exemple de cet octogone. En ce temps, les chemins formés comme des soi-disant étoiles de chasse existaient dans plusieurs forêts royales. C'est le lac d'Esrum, ici une étoile et aussi. Le but d'une étoile de chasse est de rendre possible la surveillance des animaux que l'on chasse. Un homme se tenait debout la U.U. des rayons de l'étoile se rencontre, et de cet endroit, il pouvait embrasser de la vue toute direction et observer si le cerf poursuivit traverser une de ses allées. Il y avait des étoiles de chasse près du lac d'Esrum, mais Abramangpa au Ara Royal, Østrup, ici. Il faut det så. Ici. Oui. Ici, qui était antérieur à Fredensborg. Une carte de Strup aux environs de 1700 montre quand même qu'il y avait des étables en forme de demi-octogone. Mais il existe aussi une carte entre Sand du Nord de Zéland qui n'est pas datée. Voilà la totalité et un détail. Østrup est situé là. Et selon cette carte, le voici en plus grand. C'était un petit château avec une tour de trois étages et un placement au centre d'un système de chemin formé comme une toile de chasse. Il semble illogique qu'il y ait eu des chasses dans un rat, et on peut croire que cette carte montre une esquisse ancienne de la transformation du rat en un refuge royal. On dit ainsi que Frederik Quatre plaignait plaisir à habiter à Østrup déjà pendant la grande guerre nordique avant la construction de Fredensborg. Si c'est correct, Frederik Quatre a peut-être pensé qu'il était important d'être au centre d'une étoile. Le plan de situation du château de Fredensborg, le plus ancien connu, montre que, dès le début, on a donné au château une arrivée en forme de chemin large med cour, qu'on a quelques années après bordé des courries et d'auberges placées symétriquement ici. Toute la parcelle de terrain est divisée en huit parties séparées par des allées. Une de ces allées est située parallèlement au château, alors que les autres sont placées comme une demi-étoile pour donner au château une position centrale d'où tout rayonne. Il est intéressant qu'on ait planifié Mali comme Fredensborg l'a été plus tard, avec des chantiers en forme d'étoile et le bâtiment principal au centre de celle-ci. Il existe certains jardins avec des chantiers comme une patte d'oie, comme le parc d'Hampton Court en Angleterre au début du 19e siècle, ou évidemment Versailles. C'est toi. Top. Il y a d'autres exemples où des allées partaient dans toutes les directions. Et le menagerie à Versailles était un petit paradis au milieu d'un cercle de clôture rectangulaire. Il y avait une menagerie à Fredensborg aussi, et elle était placée dans un octogone comme les exemplaires français. Mais sin disposition de chantier en système de tétoile comme à Fredensborg semble être plus exceptionnel. En tout cas, c'est le seul exemple au Danemark. Et comme déjà dit, en 1726, la route d'accès à Fredensborg était flanquée d'une série de pavillons, deux à deux, pareils à ceux de Mali. Ces pavillons était destiné à loger des domestiques et les invités. Fredensborg a été inauguré à l'anniversaire du roi en 1722 et la fête qui célébrait cette occasion était écrite dans deux journaux danois. L'un écrivait que le nouveau château était petit d'après la modèle du grand château de Modène. Et l'autre qu'on avait mangé dans la très haute salle faite d'après le modèle du même château. Le château de Modène était le palais ducal et le palais ducal qui appartenait au duc d'Est de Modène. Frédéric IV connaissait ce château de sa visite en Italie et il y a une certaine ressemblance entre la salle là et la salle de Fredensborg. Mais si la première a fonctionné comme un modèle pour la seconde, on a davantage coupé l'impression que le détail exact. En fait, la salle de Fredensborg pouvait aussi bien être inspirée par plusieurs autres salles, autant réelles que trouvées dans un des traités architecturaux de ce temps, comme par exemple la salle centrale dans la nommée Maison de Plaisance, bâtie comme un retraite, dessinée par Antoine Le Potre en 1652 et mentionnée par Claude Hartmann comme une source d'inspiration type pour Mali. Et c'est Mali. Vous connaissez det. La salle de Fredensborg s'élevait vers le ciel comme le symbole d'un roi absolu qui, d'après la loi royale danoise de 1665, était au-dessus de la législation commune. Malheureusement, Frédéric IV est mort 7 ans après l'achèvement de Fredensborg et l'embellissement de sa salle n'a été fini que 50 ans après son temps. Il a pris soin d'avoir des cheminées et des chambranles de portes en marbre et des stuckages avec des petits anges et des femmes nues, mais toutes les peintures sont postérieures. Mais Fredensborg devait satisfaire plusieurs buts. Frédéric IV avait une résidence royale au château de Copenhague. Il avait deux châteaux de plaisance près de Copenhague, Frederiksberg et Frederiksborg. Il avait une maîtresse très aimée, Anne-Sophie, et le même besoin que son collègue français, Louis XIV. On peut croire que, exactement comme lui, il souhaitait un adroit qu'il pouvait être soi-même. Pour cette raison, i la chaussée comme modèle, la villa et le plan que Palladio avait rendu célèbre. Le plan, presque carré, avec un vestibule et une salle donnant sur le jardin de chaque côté d'une grande salle de représentation. Vestibule plus bas et la salle donnant au jardin là-haut. Signaler un genre de vie simple et conforme à la nature. Frédéric IV semble d'avoir été très heureux de ce type de salle, la salle donnant sur le jardin. Dans son premier château de Plaisance, le château de Frederiksberg, il y a aussi une salle avec une porte ouvrant sur le jardin. C'était un nouveau trait de l'architecture danoise. C'est la première fois que le plan carré de Palladio a été employé au Danemark. Si on fait abstraction de la maison singulière que l'astronome Tycho Brahe a laissé bâtir à l'île de Wien après 1576. L'observatoire de Tycho Brahe est un cas isolé dans l'architecture danoise. Mais en fait, Fredensborg est aussi unique. Excepté la maison de Tycho Brahe, Fredensborg et un petit nombre d'autres bâtiments, comme surtout des pavillons de jardin, en a au Danemark seulement utilisé ses plans centrales pour des églises. Fredensborg est la métaphore d'une société où le roi, l'homme supérieur, était le centre d'où tout émanait ou où tout se réunissait. En fait, c'est la salle donnant sur le jardin qui est le centre. Ja, det kan jeg ikke sige. Fredensborg est aussi intéressant parce qu'il a marqué le début de la style rococo au Danemark et surtout le début d'une période de plus de 50 ans avec une influence française dominante au Danemark. À partir de 1732, on a bâti une nouvelle résidence royale, le château de Christiansborg, et pour ce but, on a appelé un grand nombre d'artisans français et on a aussi ajouté une quantité de peintures françaises. Et en 1754, on fondait une académie de beaux-arts et de l'architecture à Copenhague après le modèle français et on appelait l'architecte français Nicolas-Henri Jardin comme le premier professeur en architecture. Jardin a modernisé le jardin de Fredensborg. Il a fait agrandir cette allée au milieu. C'était environ dans les allées 1760 où Fredensborg a pris la place de Frederiksborg comme résidence royale secondaire préférée. Le château était si idyllique qu'il était très populaire et il fallait maintenant l'agrandir. Aujourd'hui, la plupart des Danois pensent à Fredensborg comme un château ayant la même longue façade que Versailles. C'est l'allée de Chardin. C'est allé au milieu. Oui, et un parc qui lui ressemble aussi. On ne voit pas le bâtiment central original. Mais dès le début, Fredensborg a été, comme Marie, le cadre de vie d'un homme important. C'était la combinaison d'un refuge, d'une habitation intime où seulement des invités très privilégiés étaient admis et un séjour pour des dieux terrestres. Une demeure pour le roi absolu, inspiré de l'Italie, mais surtout fait d'après le modèle démontré par le roi français Louis XIV. Et avec un peu de manipulation Photoshop. Comme si. Il n'y a plus de ressemblance. Ce n'était pas une copie de Mali, mais il a été bâti dans le même esprit, comme un exemple extraordinaire de l'architecture danoise. Et aujourd'hui, la reine du Danemark l'utilise comme résidence estivale. Merci de m'avoir écouté.